Nous saluons chaque frère et chaque sœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Amen. Nous inclinons nos têtes. Bwana mfalme na mwokozi Yesu Kristo. Seigneur, roi et notre sauveur Jésus-Christ. Tuna kupikia aksante kabisa. Nous te disons sincèrement merci. Kuma namna yote ukuna assiste kila mmoja. De plusieurs manières que tu assistes chacun de nous. Mumwili na mukiro. Physiquement ainsi que spirituellement. Ni wewe kuna tunza bagonjwa. C'est toi qui guéris le malade. Mwenye kuna chunga basafiri ni wewe. Qui garde le voyageur, c'est ma toi. Et qui nous épargne même dans plusieurs difficultés, c'est toi. Il y a des autres qui étaient accablés par des dettes. Mais toi, tu les as ouvert les chemins. Il y a des cela, ils étaient incapables de payer même les loyers. Ukupaka Mungu urupurvoir moyote. C'est seulement toi, tu as pourvu quelque chose dans tout ça. Kubenyewe barishindwa hata namna ya kupata mavazi. Il y a des filles qui ont manqué même par quel moyen trouver les vêtements. Mobile biote ni wewe kuna intervenir. Dans tout ça, il n'y a que toi qui intervient. Parce que tukubatoto yako. Sababu nous sommes tes enfants. Et tu es Dieu, tu ne resteras jamais redevable à quelqu'un. Alors que nous sommes venus, nous avons besoin d'être enseignés par toi. Maintenant, souviens-toi de nous. Et même ceux qui sont connectés, comme Tandao. Seigneur, ufanye que Romo ya moya itagir leo apa ipate kwa na effet atakulembar. Fais en sorte que le même esprit qui agira ici, que ça puisse avoir les effets même à distance. Jibuya kila mmoja mnamna upeke. Réponds à chacun de nous d'une manière spéciale. Ushaiche muntu kutoka na uzuni. Ne laisse qu'aucun de nous quitter ici avec sa tristesse. Shache muntu kutoka na moyo yenye kuvuruka. Ne laisse qu'aucun de nous puisse quitter ici avec un cœur troublé. Bale bar kuchimbilia wakati ulikuwa mumwili. Quand tu étais dans la chair, ceux qui sont venus à toi. Benye bar kosewa salama baripata salama. Ceux qui manquaient la paix, tu leur avais donné la paix. Bar kwa na njala ulibapa chakula. Les affamés, tu leur avais donné à manger. Batenda nzambi. Les pécheurs baripata usama. Ils ont eu le pardon de leurs péchés. Benye kukosa okovu ulibapa okovu. Manqué les saluts, tu leur avais accordé les saluts. Kumoja moja jana leo hata milele. Hier, aujourd'hui et même éternellement. Tukunaomba hivi mujina lako Bwana Yesu Kristo. Nous les prions ainsi, c'est dans ton nom, le Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 3, nous levons. Tuta simama ufunu sura ya 3. Apocalypse chapitre 3. Uno sura katatu. Verset 17. Kumina saba. Parce que tu dis. Sababu kuna sema. Je suis riche. Niko mtajiri. Je me suis enrichi. Nisha kutajirika. Et je n'ai besoin de rien. Na shitaji tena kitu. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, na sababu hujua kusema uko waole, misérable, munyonge, pauvre, mashikini, aveugle, kipofu, et nu, na mtupu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, na kushauri upate kuza kwangu zabu yenye kupima moto, afin que tu deviennes riche, kusudi upate kuwa mtajiri. Et de vêtements blancs, na mavazi nyeupe, afin que tu sois vêtu, usudi upate kuvala, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, na haya ya utupu yako ishonekani kitena, et un collier pour oindre tes yeux, na dawa macho juu ya kuweka macho yako, afin que tu voies. Que le Seigneur bénisse la portion de l'Écriture. Nous poursuivons notre sujet intitulé « Et tu ne le sais pas ». Nous devons faire très attention parce que la Bible dit « Telle voix paraît juste aux yeux d'un homme, mais son issue, c'est l'issue de la mort. » Et le Saint-Esprit pose la question « Qui connaît ses égarements ?» Nani anajua kupotea ya kwaki? Hakuna mtu. Personne. Il faut que le Saint-Esprit afazai Roho Mtakatifu te vienne en aide kwa kusaidie pour te révéler njia kufunulia la voie sur laquelle tu t'es déjà engagé. Mule njia ushaujingiza. Si Dieu ne te vient pas en aide, kama Mungu ashikue kusaidia, tu peux même t'enfermer dans une erreur. Unaweza kujifungia tu mkosa croyant être dans la vérité. Mais on a mis la semaine Dieu bien quoi. Tu t'enfermes dans une conviction. On est sur Dieu comme attiqué au moins. Alors qu'elle est fausse. J'ai appris la attiqué à connaître Babou. Nous devons apprendre à être humble. Tu n'as pas ce que tu fais à quoi bah nié que vous. C'est-à-dire à savoir s'humilier effectivement comme il a traduit. Où Dieu a conduit sa cabisse. Devant le Seigneur. Belle abouane. Souvenez-vous que le Seigneur avait donné un exemple pendant son séjour terrestre. Des petits enfants venaient à lui. Et les disciples voulaient les en empêcher. Et lui a dit, non, non, laissez les petits enfants venir à moi. Parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Un enfant est toujours innocent. Il ne prétend pas connaître beaucoup de choses. Il accepte toute correction. Il accepte qu'on le reprenne et qu'on lui dise ça, ce n'est pas correct. Et c'est cette attitude que Dieu veut voir parmi son peuple. Nous mettons beaucoup d'accent sur l'esprit de cet âge. Ou soit sur les esprits dominants de l'âge de la Odyssée. Reprenez l'écriture qu'on dit. Apocalypse 3. Funo 3. Regardez le verset 17. Ngarieni mustaki ya 17. Parce que tu dis. Sababu ukunasema. Suivez maintenant. Mufuate. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Ça, c'est un langage d'un orgueilleux. Je, moi. Effectivement, ceci n'est pas seulement adressé aux gens de dénomination ou aux gens du dehors. Ceci s'adresse même à nous. Parce que les esprits de l'âge ne se sont pas arrêtés chez les catholiques, non. Ces esprits sont même entrés au milieu de ceux qui se disent être l'épouse. Ces esprits ne se sont pas arrêtés seulement parmi les laïcs. Chez les pasteurs, chez les anciens, chez les prédicateurs, chez les diacres, chez les choristes, ce sont des esprits qui règnent dans beaucoup de gens. C'est un âge d'orgueil où les gens, comme le Saint-Esprit l'a mentionné hier, les gens se font passer pour ceux qui ne sont pas. Vanter leurs mérites, vanter leurs expériences, vanter ce qu'ils sont, C'est ce qu'on trouve. N'anjeli tunapata. Observez même parmi les gens du monde. Mwangalie hata katikati ya watu wa mduni. Suivez même les émissions à la télé. Mwangalie hata ku télé kama nafuata ma émission. C'est l'âge le plus vraiment problématique. Ni kizazi kia mambo mambo sana. Je prends un exemple. Ibetu mfano kidogo. Vous allez trouver même dans notre cité ici. Umo mji yetu. Quelqu'un qui n'est pas médecin, mutule anata munganga. Il veut qu'on le considère comme médecin. Mais elle appelle la monnaie ça munganga. Docteur. Et vous allez trouver même que les véritables médecins, na utaona sema munganga ni yabya kweli. Ils ne font pas beaucoup de folklore, beaucoup de cérémonies autour d'eux. Ah, bakaraki na batu mingi mingi kando kando ya. Nous avons des frères ici qui sont médecins. Banduku mbangari. Ils ne font pas beaucoup d'audience autour d'eux. Quand quelqu'un a la véritable chose, hein, vous allez trouver qu'il est humble. Remarquez les vrais ingénieurs. Ils ne font pas beaucoup de bruit autour d'eux. Ils savent qu'ils le sont. Il ne suffit pas de crier sur la toiture. C'est pas ça. Apan. C'est pas ça. Aina hili. Et nous, en tant que véritables croyants, na chie sa ba minifo de apan. Nous devons faire très très attention. Ma pas suke ba angye. Devons faire très attention. Ma pas suke ba angye. C'est un âge Nikizazi kile. Où l'orgueil, hein, mule kiburi, sollicite chaque cœur et chaque esprit. Kiku nenda ndani ya kila roho na kila zamiri. Peut-être tu as fait une bonne expérience dans ta foi, mais prends garde. Mais on n'a pas ce que sopoka. Prends garde. Sopoka. C'est l'âge d'après la prophétie quand nous lisons. Ka wala tu nasoma kufatana na dini kizazi kimoya. Le plus pauvre. Ba mashikini sana. Cette pauvreté n'est pas liée à la finance, non. C'est que quand Dieu regarde ces églises, nos assemblées, il trouve que nous sommes misérables. Et nous, on ne constate pas ça. Pourquoi Dieu qualifie cet âge d'âge misérable, d'un âge maudit? Parce que ce qui est dit, je ne sais pas que tu es malheureux. C'est-à-dire que tu es malheur sur toi. Tu es maudit. Et tu es misérable. Tu es pauvre. Aveugle. Tu ne sais pas. Mais tu ne sais pas. C'est-à-dire, c'est l'âge où les véritables expériences chrétiennes sont devenues rares. Vous allez dire, mais Frère José, on baptise des gens, ils ne sont pas sauvés. Je n'ai pas dit ça. On en baptise beaucoup. Nos assemblées sont tellement remplies. Mais je vous dis que vraiment les véritables chrétiens sont très peu. Très peu. Les gens se font baptiser par imitation, par des motifs impurs. Vous trouvez même actuellement, frère, des gens, tous les arrangements impurs de la cité, on les amène dans l'église. Ici, il y a des frères qui attirent des païens pour dire viens qu'on te baptise seulement. Et l'inverse est vrai aussi. Trouver une soeur, on a dit à la cité que je vais t'épouser. Ça combien quoi il y a mon dit la condition, tu dois venir dans notre église. Il faut pour cette dame là ou pour cet homme là qu'un contact, que Dieu fasse que Dieu fasse miséricorde à cette personne là. pour aller croiser vraiment son âme, pour qu'elle croie vraiment, ou pour qu'il croie vraiment. Mais sinon, pour lui, le christianisme s'arrête à être baptisé. Et on a fait du christianisme, frère, un formalisme religieux. Les gens se plaisent à être là, à se faire baptiser, si bien que cet esprit même a contaminé nos enfants. Vous trouvez parmi les jeunes gens, l'autre se moque de son ami parce que lui a quitté le Kodim. Il s'est fait même baptiser. Il en parle dans les milieux de ses amis. Et ses amis considèrent que oh, on est en retard. Dans ce cas-là, la semaine prochaine, je commence à aller dans les cultes des grands. Semaine prochaine, dès qu'on pose la question, qui croit au Seigneur Jésus? Les jeunes gens lèvent les mains sans comprendre ce que c'est que le baptême, qu'est-ce que nous faisons. Et on a des églises pleines de gens comme ça qui veulent être à la technique, les gens s'inscrivent. Qui veulent être interprète de sourds, les gens s'inscrivent. Caméramen, les gens viennent. Qui veulent apprendre la sainteté, les gens viennent. Est-ce que tous sont des croyants? Maintenant, c'est cette aventure-là que Dieu appelle misérable. Pauvreté. Parce que nous manquons la chose vraie. Mais alors que nous sommes en un lieu où la vérité est apportée. Amen. Nous devons faire très attention. C'est l'âge, comme je l'ai dit, de la grande tromperie religieuse. Et je vous dis au nom du Seigneur Jésus, ce n'est pas nouveau. Ce qui arrive maintenant l'a déjà été même dans le passé. Observez même parmi, lors de la première venue du Seigneur. Le judaïsme, c'était ça, le mode de vie en Israël. Être du clan des Sadducéens, des Pharisiens, des Zélotes, ainsi de suite. Et tout ça, ils appelaient ça la foi d'Abraham. Alors qu'ils étaient totalement dans l'erreur. Quand Jean-Baptiste est apparu, c'est les gens qui disaient qu'ils ont la foi d'Abraham. Ils n'ont pas compris. Jésus leur même dit, je crois que c'est dans Matthieu, prenez Matthieu. Matthieu chapitre 22. Regardez. Amen. Matthieu 22, Matthieu, verset 29. Jésus leur répondit, yes, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, Sabu, ni la puissance de Dieu. C'est-à-dire, comprenez même la façon dont Dieu travaille où il agit. Et cela n'est pas resté seulement chez les Sadducéens, les Pharisiens. Ce sont des esprits. Et au temps de l'Odyssée, au temps de la fin ici, ces esprits ont mûri. Il est maro, il naïve, il vient à Kumala. Le Seigneur pour... Regardez, verset 34. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens se rassemblèrent. Et l'un des docteurs de la loi lui posa cette question pour l'éprouver. Il y avait tous ces groupuscules-là. Pendant qu'ils vivaient au temps de l'accomplissement de la parole de Dieu, eux ne venaient pas pour recevoir la chose vraie. Eux venaient pour tester. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Nous venons ici pour rencontrer le véritable Dieu, pour faire l'expérience véritable. Maintenant, ne faites pas du christianisme le fait d'être assis ici, croyant que ça s'arrête seulement à recevoir un secours d'un frère et d'une sœur. Vous ne savez pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais avec un monsieur dans mon bureau. Il vient très loin de Kananga. Et quand je l'ai reçu, vous savez ce qui m'a étonné? Je lui dis, oui, qu'est-ce qui t'amène ici? Il dit, non, je suis venu chercher du travail. On m'a dit qu'il y a du travail ici à Kambov. J'étais à Kolwezi. On m'a dit, non, va à Kambov. Alors, quand je suis arrivé, j'étais chez quelqu'un là. Il jouait un peu la musique. Et après, il suivait la prédication. J'ai senti que c'était de Branhamis. Je lui ai demandé, l'église de Branhamis était où? Et on l'a conduit ici. Je lui ai dit, bon, c'est la mauvaise adresse. Nous ne sommes pas de Branhamis. Il dit, mais vous croyez au message? J'ai dit oui. Oui, moi aussi, d'où je viens, je crois au message. Je lui dis, tu n'es pas notre frère. Il me regarde, il dit, comment tu dis que je ne suis pas votre frère? Comme à partir de la fenêtre de mon bureau, on sait voir l'autre tabernacle en construction. Je lui dis, tu vois ça? C'est aussi un tabernacle. Un peu plus haut, il y en a encore. Et de l'autre côté, il y en a. Tu vas me dire que tous, nous sommes des frères. Il a regardé par terre. J'ai dit, nous ne sommes pas tous... Nous ne croyons pas la même chose. Il dit, ah, je pensais que comme vous êtes de la foi branhamiste... J'ai dit, non. Non. Ce n'est pas comme ça. Vous voyez, on a fait du christianisme un mouvement de tabernacle. Frère, c'est le tabernacle là-bas. Ni tabernacle oh, sont nos frères. Ah, le tabernacle. Ça, c'est un désordre. Il est ni fujo. Ça, c'est un désordre. Fujo, il est. Nous ne sommes pas les assemblées du message. Nous ne sommes la véritable église fondée par le Seigneur Jésus. Voyez. Non. Et si vous venez ici, nakaba na kuya. Non, amen, ngiaka tu mutabernacle. Et moi aussi, je fréquente le tabernacle. Tu ne comprends rien. Ah oui, elle est au kintu. Nous assemblons parce que nous faisons partie de la véritable église du Seigneur que lui-même a fondée. Et pour faire partir de cette église, il faut que Jésus se révèle à toi. Si Jésus ne se révèle pas à toi, tu seras un membre parmi nous. Frère, on y peut 10 000 francs. Tu peux me prêter un peu 10 000 francs. Quelque chose, dada, on y sait. Moi un peu. Pour toi, c'est ça le christianisme. Job au Christ ou boule. Non, mais il faut on m'avait dit, chez vous ici, je peux trouver l'emploi facilement. Ce n'est pas ça la foi chrétienne. Aïna, vous êtes foncièrement dans l'erreur. Uko, kabisa, vous ne comprenez ni le message, ni la parole de Dieu, et vous ne connaissez même pas le Seigneur pour lequel nous sommes rassemblés. Vous ne connaissez rien. Nous vivons, frères et sœurs, un temps où il y a deux esprits qui agissent. Comme la Bible le dit, l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Vous n'allez pas dire non, l'esprit de l'erreur, ce sont les autres. Non, l'esprit agit dans des gens. Il y a des frères et des sœurs qui sont au milieu de nous. L'esprit qui le conduit, c'est l'esprit de l'erreur. C'est l'esprit de l'erreur. Et voient les choses contrairement aux Écritures. Et quand ils viennent au milieu de nous, leur foi est falsifiée ou erronée. C'est pourquoi, C'est tellement erroné. Frère, quelqu'un qui croit vraiment ce message et qu'il a reçu la révélation, il est éclairé. Il n'est plus dans les ténèbres. Il est éclairé quant à sa manière de se conduire vis-à-vis même de sa femme, vis-à-vis de son mari, sa manière de vivre avec les soeurs et avec les frères, même avec les gens de sa famille. Écoutez comment la Bible parle. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Petua Pierre sura kia kwanza. Petua Pierre sura kia kwanza. Verset 19. Musa kia kumi na. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Tunashika zaidi kabisa neno la unabii. Tukuna uhakika. Nous avons la certitude. Nous sommes sûrs que ce message est la vérité. Ce message est ujumbe ni ukweli. Et nous tenons à ça. Na shie tunashika kuili. Voilà ce qui nous rassemble. Jo enye non seulement cela, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Kuile munafanya mzuri ya kuteka angalisho. Amen. Amen. Je crois que tous comme on est là, zaishi bote vitu kwa hapa, on a bien fait de croire ce que dit ce message. Dieu a kuamini kile ujumbe nasema. Et nous sommes certains na tuko na ile que nous tenons à quelque chose de vrai. Ya kusema tunesha kuambatana na kitu kimoja cha kweli. Nous ne disons pas seulement que nous croyons le message. Atuseme tu ase tunaamini tu. Notre vie maisha yetu reflète que nous avons reçu quelque chose de la part du Seigneur. Iko naonesha sema tunesha pokea kitu kimoja kutoka kupande ya Bwana. Amen. Amen. Nous tenons na tunashika hili. D'autant plus certain, nous sommes certains na zaidi kabisa ya kusema c'est la révélation qui est venue juste d'en haut. Jo ufunuo itoka kwa Mungu. Et vous avez fait bien de recevoir cela. Na ulifanya mzuri ya kupokea cette révélation ile ufunuo change la vie. Inabadilishaka maisha. Quand vous la recevez avec certitude, na hakika yote, cela impactera votre nature et votre vie. Ile itabadilisha maisha yako na asili yako. Vous comprenez maintenant? Que croire le message, kwa mini ujumbe, ça ne s'arrête pas à être membre du tabernacle. Aishimame tu ukue na wa mukambo wa tabernacle. Et non seulement cela. Aina paka ile. Vous faites bien de prêter attention à cela. Munafanya mzuri kuteka ngalisho kwa ile. C'est-à-dire quand je prête attention à quelque chose. Wakati mimi nateka ngalisho sawa kitu kwa fulani. C'est pour en faire une application à ma vie. Ni kusema nataka kubeba kile kitu nikitumikisha maisha yangu. Et cela soit ma vie de chaque jour. Jo ikue namna yangu ya kuishi kila siku. Le Saint-Esprit dit. Roho Mtakatifu nasema. Vous avez bien fait. Ulifanya mzuri. De prêter attention. Ya kuteka ngalisho. C'est-à-dire ni kusema unashikilisha sana hapana pa kushikia. Mettre en pratique ce que j'ai écouté. Unaanza na kutumikia ilo ulishikia. Pourquoi? Dieu anine. Cela est comme une lampe qui brille dans un lieu obscure. Ile ikusa lampe ikuna waka fazi ya ngiza kabisa. Vous avez bien fait de recevoir cela. Comme vous êtes certain. Kabile una kona kikisho. Vient de Dieu. Ya kusema hii mambo yanatokea kwa Mungu. Regardez ce que cette parole fait. Angalia vile ineno nafanya. Elle devient une lampe. Inakuwa lampe. Qui vous éclaire en toutes choses. Ni ikuna kuangazia pa kila kintu. Autant où mwile wakati toute l'humanité. Ulimwengu mjio wala dunia mzima. Ressemble à un lieu obscur. Ikuna fanana na fazi moja ngiza kabisa. Et vous, na weye, vous êtes éclairé. Uko munuru. Ce qui fait votre vie kusema maisha yako, est une lumière. Inakuwa nuru, inaangaza. Parce que vous avez reçu la grande sababu, lumière. Ulipokea neema ya nuru. Quand les gens vous regardent, wakati batu vena kuangaria, ils diront que il a quelque chose, ule eko la kitu kimoya, il est clair. Ki unamuangazia. Amen. Amen. Nous portons une grande responsabilité. En disant que nous croyons le message, frère. Que tu as envoyé en ce temps de la fin. C'est-à-dire, nous sommes certains que ce message n'est pas de Branham. Ce message est de Jésus-Christ. Et quiconque reçoit quelque chose de Jésus, kwa Yesu, reçoit les effets de la parole de Jésus. Matokeo ya ile sauti ya Yesu. Et le Jésus lui-même l'a dit. Na Yesu mwenye alisema, mes paroles ne rentrent jamais sans effet. Maneno yangu hayezi kunirudiria bila matokeo. Esaïe 55. Isaya 55. Esaïe 55. Isaya 55. Esaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, bila kupatia mbeko kwa ule alipanda, et du pain à celui qui mange, na mukate kwa ule kula kula, ainsi en est-il de ma parole, njo vile na neno langu, qui sort de ma bouche, yenye natoka mkinywa yangu. Amen. Amen. Elle ne retourne point à moi sans effet. Ayez kunirudiria bila matokeo. Vous êtes certain que ce message vient de Dieu. C'est-à-dire ce message doit faire des choses dans ta vie. Même là où il n'y avait rien, on verra germer une nature chrétienne. Lisez bien le verset 10. Les effets de la pluie, on les typifie aux effets de la parole. Quand elle vient, elle est une semence, comme le verset 10 le dit. Et ce message a deux choses. Et l'esprit et la semence. La pluie et la semence. Quand vous recevez cela, vous êtes sûr que ça vient de Dieu. Wakati unapokea na kichoto cha kutoka kwa Mungu ni mbegu. Et que vient faire l'esprit qui a communiqué cela? L'esprit vient arroser la semence que vous avez reçue. Ile mbegu ulipokea. C'est bien que usema, il y a une nature qui va germer. Uko asili moi ile itaota. Amen. Amen. Il y a une nature qui va germer. Asili moi ile tachipuka itaota ndani yako. Kama unaamini mjumbe bia kweli. Lorsque vous croyez véritablement le message, ne restera pas tel que tu es. Il faut, frère, toucher. Il faut que nous puissions comprendre correctement les choses de Dieu. Utaona vitu vitachipuka mu maisha yako. Tu verras qu'il y a des choses qui germeront dans ta vie. Il y a une nature que tu n'avais pas reçue par la naissance. Et la façon de voir les choses, tu n'es pas né comme ça. Votre compréhension que vous n'avez pas avant d'avoir, ça va germer dans votre vie. Bonne embarique. Que le Seigneur bénisse. Regardez maintenant. Verset 12. Oui, vous sortirez avec joie. Où t'as tout qu'à la fura. Où t'en as aussi mis ta coupe à la fura. Ça va te donner même la joie. Parce que tu as gagné l'argent. Où tu n'as pas ta fête. Non. Tu vois une chose que tu n'as jamais vue dans ta vie. Et une joie. Étant même pauvre naturellement. Mais la joie t'occupe ton cœur. Vous sortirez avec joie. Et vous serez conduit en paix. Na utaongozwa katika salama. Unashika salama moya. Ivomba ni paix. Ce n'est pas lié à l'argent. Aina njugu na makuta mnyumba. Wala kuna mali mnyumba. Mais une paix qui vient d'en haut. Salama moya ile atokea juu. Pourquoi? Juani. Vous avez reçu une semence. Ulipokea mbegu. Ile atokea juu. Et cette semence a en elle. Ndani yayo. Des vertus qu'on ne trouverait pas nulle part ailleurs si ce n'est pas d'en haut. Ile amuta pataka fashi ngine kama ina kutokea tu kumbingu. Les montagnes. Mamilima. Et les collines. Na milima kidogo. Éclateront d'allégresse devant vous. Itaanza kulukala kwa furaha mbele yako. Et tous les arbres de la campagne. Na miti yote mpori. Battront des mains. Itapiga mikono. Bantu bote batese. Et tout le monde diront cet enfant ici. Nini namufanyikia? Qu'est-ce qui s'est passé en lui? Uyu mwanaume nini namufanyikia? Qu'est-ce qui s'est passé en lui? Tunaona c'est comme majimu. Nous voyons c'est comme s'il est devenu fou. Oui. Dio. Les montagnes et les arbres n'y parlent. Et ce sont les hommes et les montagnes et les arbres. Ils vont commencer à parler. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans sa vie? Et ils diront, ce n'est pas l'homme que nous avons connu avant. Ce n'est pas l'homme que nous avons connu avant. Pourquoi? Verset 13. Au lieu de l'épine. Fazi yamiba, par yamiba, là où il y avait les épines, s'élèvera le cypre. Itakuwa ni miti ya mzuri yote taota pale. Au lieu de la rose, croîtra le myrte. Ma miti yote taota fazi ya. Ni miti ya mafuta. Ce sont des. Fazi par quoi yamiba, là où il y avait les épines, par quoi chuki, là où il y avait la haine, bwiji, là où il y avait le vol, romubaya, il y avait la méchanceté. Mais ça sera vraiment énorme. Là, ah, cet arbre est vraiment bon. Ce frère ici, cet homme, il a vraiment un bon caractère. Ah, t'as bien qu'il a quoi, Mzuri? Bon embarique. Que le Seigneur bénisse. Ce sera pour l'Éternel une gloire. Na, il t'a quoi dit à miner le utukufu? Est-ce que mon achat se mène? Ce sera parce que tu auras eu le diplôme de licence. Tu n'as pas de diplôme et de licence, non? Ou tu auras construit une grande maison. Ou alors tu as engagé une maison. Ce sera une gloire. Il t'a utukufu. Et les gens diront. Ça, c'est étonnant. C'était un prostitué, une prostituée. Mais elle est devenue une bonne fille. C'était un voleur. Mais c'est un homme correct maintenant. Même Bibi Yaku, même ta femme en témoignera que mon mari Bibi a changé. Ah, ma femme a changé. Et même ta belle femme, ils diront que ça c'est étonnant. On pensait que ce mariage n'ira pas loin. Mais à ce que nous voyons, nous nous posons la question, notre gendre ou notre belle-fille, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est comme ça que les gens rendent témoignage de toi? Mais tu crois à la parole? Mais je suis un ami. La parole prophétique. Neno on habille. Qui est une lampe? Il y a quoi de lampe? Dans un temps d'obscurité totale. Ta muakati ya magiza kabisa. Voyez. Munaona. Tu comprends maintenant que on est là tu à es tellement pauvre, on est quoi, misérable, malheureux, et tu ne le sais pas. Na aujou, eh. Tu ne le sais pas. Aujou. C'est que la parole de Dieu devait faire dans ta vie. Ce message ici, c'est qu'il devait faire dans ta vie. Mais tu ne savais pas. Mais tu es toujours dans l'église. Et tu penses que la chrétienté, c'est croire au message, c'est venir seulement au tabernacle. Moi aussi, je suis au tabernacle. Et c'est fini. Ça, c'est l'esprit de l'erreur. Il est nul à cause ça. Ce que nous entendons maintenant, c'est ça l'esprit de la vérité. C'est pour te sortir de l'erreur. Parce que tu ne le savais pas. Tu pensais que être baptisé au nom de Jésus. Baptisé à tout Jésus Christ. C'est fini. Donc on lui a déjà baptisé, c'est fini. C'était comme ça que les pharisiens faisaient des problèmes, les juifs en général faisaient des problèmes, même au temps de Paul. Attends, quand Paul Dieu le maman Boaz a non, il n'est pas circoncis. Ana mungu tariwa. Ah. Ils ont pris les choses de la foi. Ils ont mis ça, ils ont géré ça sur la circoncision dans comme si quelqu'un, il est circoncis, c'est fini. Et c'est ce que le diable veut encore. Que vous prenez le problème de la foi, mettez seulement sur la, le baptême. Mais et ça, nous, on ne regarde pas. Parce qu'un homme, s'il croit véritablement, c'est un homme qui était vraiment épineux. Aujourd'hui, les gens doivent vraiment expérimenter que c'est un arbre. Bibi yangu maintenant. Et ton mari dira. C'est un arbre qui produit l'huile. Ni muti unatosha mafuta sasa. Regardez autant de prenez Galate. Regardez au Galatie. Galate chapitre 6. Au Galatie 6. Le temps file, je ne. Galate 6. Au Galatia soit kasita. Écoutez comment le Saint-Esprit parle. Verset 11. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. J'ai écrit avec ma propre main. Maintenant, faisons attention. Maintenant, à ce que Paul a écrit en grand caractère. Oui, il est Paul Arandika, munene munene. Kanisa tu kupa moya. Paul Arandika bio nini nyantiko munene. Il a écrit en grand caractère. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire. Bale boto apenda kufanya mkoa kupendeza kufuatana na mwili. Bele mikazisha mpate kujitahiriwa. Non, imani frère. Pana, la foi. Être circoncis. Tout ça Dieu a, il est, pour plaire aux hommes. Dieu a fourré ça tout pour que bantu, pour que les gens. Bah on a justement baptisé. Comme je suis baptisé, je suis devenu enfant de Dieu. Est-ce que Dieu vit? Est-ce que réellement c'est ça? Ce sont des erreurs qui sont arrivées même au temps de Paul. Ni manco c'est le fiata moakati à Paul. Non frère. Non du. Comme il est circoncis. Salut Acha Mutauri. Unaisha. Ah bon? Vous pensez que la circoncision suffit? Paul écrit ça en grand caractère. Et tout, comme il est devenu notre membre, c'est fini. Et il est venu à l'assemblée du message. Aussi sont les assemblées du message, c'est fini. Unaisha pas. Apan? Non. Apan? Et tu m'as ce frère. Malachi 4, ce frère Branham. Oh, tu es déjà sauvé, tu as même le Saint-Esprit. C'est ça, c'est la vérité. Est-ce que c'est vrai? Et tu m'as ce frère Franck. Comme toi tu dis frère Franck. C'est Matthieu 24, 45. Matthieu 24, 45. Ça suffit. Kunaïcha. Et tu m'as reconnaître que c'est toi tu reconnais que le Kambo Tabernacle, c'est la véritable Église. Ça, il est. C'est vouloir faire plaisir aux hommes. Nikuta futa kufurahisha bantu. Et vous les détournez de la voie juste. Na pale muna tosha bantu munjia vous les placez dans l'erreur. Unebeka munkosa. Souvenez-vous de Kizabi, ce qu'il a dit. Du Kizabi d'Assem. Arsema kachitu kamoya. Il avait dit quelque chose. Asime bantu ba mingi. Il a dit beaucoup de gens. Aba kupite pale inapashaka kupita njua kwa mukristo. N'ont pas traversé à l'endroit correct pour devenir chrétien. Ils ont passé, ils sont passés à côté. Et c'est pourquoi, même si tu lui dis arrête de voler, arrête d'adulter, il n'a pas la chose qui va ôter le vol et l'adulter en lui. Parce qu'il est passé à côté du pont qui rend les enfants de Dieu correctement. Regardez maintenant, en grand caractère. Vous contraignez à vous faire circoncire. Vous voyez, même si c'est parmi nous. Frère, est-ce que Bacha vous baptise, oui. Frère? Il est baptisé, c'est Bacha, frère. Est-ce que est-ce la sœur, elle est baptisée? Comme si, bon, il Bacha vous baptise. Comme elle est baptisée, c'est fini. C'est notre frère, c'est notre sœur. C'est notre frère. On ne fait plus attention à autre chose. Non, à toi, arrête, n'a pas de bingiri. Frère, si vous êtes frère, nous tous nous sommes frères. Ça suffit. Qu'on a échappé. Frère, Dieu veut mon ami. Et c'est ce que vous croyez aussi. Même chez nous, tout le monde est frère. Oui, c'est bien. C'est la vérité. Mais ce n'est pas toute la vérité. Aïna ukweli yote katika hoteli. C'est pas toute la vérité. Aïna ukweli katika hoteli. Uniquement afin de n'être pas persécuté pour la croix de Christ. Juanini, njuba shibatese tujua msalaba wa Kristo. Njuba shibambia kusema. Pour qu'on puisse parler à Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, vous devez passer par la croix. Ichika kile msalaba inapatia kufanya kubantu. La croix doit faire réellement aux hommes. Au lieu d'amener les gens à la croix, vous détournez les gens à autre chose en dehors de la croix. Verset, c'est pourquoi vous voyez en grand caractère. Hein? Paul termine, il dit ceci. Verset 14. Pour ce qui me concerne, ce qui concerne Paul, c'est ce qui nous concerne. Aussi. Nous sommes les concernés. Loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Wazo ya kujitukuza mumambo ingine isipokuwa tu musalaba bwana wetu Yesu Kristo. Frère, comme tabernacle aina mambo. Ça ce n'est pas un problème. Musalaba fa nini mu maisha yako? Mais qu'est-ce que la croix fait dans ta vie? Njoki kuja mafa. C'est ce qui est important. Et le message na ujumbe, qui est une lumière au temps de l'obscurité. Yenye kwa nuru mwakati ya giza. Qui nous montre ni ujumbe Dieu ne tourne ça il. C'est pourquoi Frère Branham a prêché ce jour-là sur le calvaire. Amen. Amen. Et que fait la croix? Par qui le monde est crucifié pour moi? Comme je le suis pour le monde. Dieu a bien tout Paul a bien dit qu'un grand caractère. Ce sont des choses que Paul a dit. C'est-à-dire, pour que les gens saisissent cela. Ni ma tokeo ya kaja musalaba ndani ya mwanaume au mwanamke anasema minamini. C'est les effets ou le résultat de celui qui a cru aux œuvres du calvaire. Est-ce qu'on a ce qu'on a ce que mambo tu n'es pas baptisé? Et le problème c'est être baptisé, c'est qu'il dit non. Apana kile musalaba nafanya mu maisha yako nduku au dada. C'est que la croix a fait dans ta vie mon frère. Verset 15. En grand caractère. Ce n'est rien. D'être circoncis. Ou incirconcis. Ce qui est quelque chose. Ni kwa ya mana. Expérimenter la nouvelle naissance. Ni kuonja kuzali kwa mara pili. Utaona kusema ikuwa kuya. Ça vient. Inazalisha ndani ya bantu bintu bila bakuzali kwa kenabo mumwili. Ça fait naître dans les gens les choses avec qui ne sont pas nés dans la chair. Autakuya muntu wa bakwambie baseme qu'on puisse te exhorter, qu'on puisse te dire. Tu as une nature. On a quoi na asili moya? Qui ne vient seulement que d'en haut. Il n'a toqué tout le paradis jour. Et qui se nourrit seulement des choses d'en haut. Il est assis, il n'a couru à qu'habitué à qui s'affectionne seulement aux choses d'en haut. Il ont la peine d'avoir la combattre la vie pour la vie. Il désire croître seulement dans les choses d'en haut. Il a d'affaire à comment pas habitué à Dieu. Conclusion. Mouishuayout. Verset 16. Vous savez paix. Salama. Et miséricorde. Naréma. Sur tous ceux qui suivront cette règle. Kwa bale botu atafata hii kanuni. Salama. Paix. Na miséricorde c'est comment? Réma. Réma. Il peut être pas syndiqué. Oui, c'est les accompagner. Batakuya bantu ba salama. Ce sont des gens qui seront en paix. Autonaka frère monye kuzali kwa mala pili bya kweri dada monye kuzali kwa. Après mon ma problème. Un frère ou une sœur né de nouveau véritablement avec problématique. C'est quelqu'un qui sait facilement pardonner et il sait facilement demander pardon. Il est prêt, Kulumba, ou elle est prête Kulumba, de demander pardon. Tayari, elle est prêt, il est prêt, ou elle est prête de pardonner. Paix et miséricorde. Salam anarema. Sur tous ceux qui suivront cette règle-là. Ce frères et sœurs que nous avons. Les gens qui font une semaine le mari et la femme étant fâchés, mais ils viennent toujours à l'église. Je ne peux pas lui parler. Et même les enfants, ils savent que maman et papa abasumbriye machiku. Maintenant, pour demander l'argent, ce sont les filles qui vont chez leur papa. Ni bato to baram kese jo no ba papa. Papa, il faut les légumes. Il y a pas les légumes. Banenda kwa mama. Ah, maman. Dites à votre papa qu'il n'y a pas d'huile. Papa, il n'y a pas d'huile. Ma foute est chakouisha. Vous voyez? C'est politique, mon mamboya. Mais là, c'est la politique qui s'y a, ça, dans le show de Dieu. Bah, M23, ils vont envoyer un émissaire, le gouvernement dans tout émissaire. Et les enfants, ils vont pas patani. Ça va être maman qui va appeler les enfants. C'est Jésus qui est le médiateur. Jésus Christ, Dieu vous détesti. Mais vous faites de vos enfants le médiateur. Allez, c'est à quoi va vous m'patanis? Voyez votre maman. On a maman nous là. Je peux pas frère rap. Il ne parle donc de quoi? Qui parle à ses enfants? Et qu'on a bien tout ça. Voyez votre maman. Maman nous you. Qui tu as qui est malade? Sa tête ne fonctionne pas bien. Oui, n'ayez. C'est ici aussi. Papa Yen. Votre papa. Est-ce que ça aussi c'est une maison? Ce sont des chrétiens. Parce qu'on les a baptisés au nom de Jésus. Parce qu'ils disent qu'ils ont cru que Frère Branham c'est lui le prophète. Vous avez fait du christianisme une fausse religion. On a failli avec Christ qui n'a pas digne à Bongo. N'est-ce pas, c'est faux? Votre maman elle est vraiment stupide. Normalement, et l'enfant normalement doit poser la question. Donc, et tu nous as engendré avec une stupide et une insensée. Vous les enfants. Moi, bah, toto. Quand il te dit ça. Quand papa te dit ça. Oh papa, je ne savais pas. Papa, en tout cas, Michikujua. Donc tu as eu des enfants avec un imbécile. Ouais, Tuzala la Bumbafu. Mais il n'y a qu'une imbécile qui va avec un imbécile. Ni pas à tout Bumbafu, John est seconde d'accord Bumbafu Mwenjake. Et tu ne le savais pas. Non, au Kujue. Mais regarde comment tu te conduis. Garia nam non jongoza. Tu ne savais pas. Akujou. Pika bibi na batoto bana yu. Ta femme, même les enfants sont au courant. Maman na papa bar kombana. Et maman et papa ils se sont bagarrés. Frère. Duk. Dieu ekalala na semaka biku bien. C'est ce qu'elle a dit, c'est tellement bon. Biku bien. Biku bien. C'est compliqué. Ni atari. C'est un âge Kizazi. Où il faut faire attention. Tu n'as pas souké bangi kabisa. Veillez beaucoup. Kesha kabisa. Si tu ne fais pas attention, kama auké bangi, tu tomberas. Utanguka. Où on peut glisser à tout moment. Mule on a dit que Teresika mwakati yote. Parce que Satan n'est pas resté dehors. Satan a kubakirie tu inje. Qui est resté dehors? C'est l'âge où Jésus frappe à la porte. Nikizazi kile Yesu anapiga kumlango. Mais lui le propriétaire de l'église. Mais mwenye kanisa. Les gens l'ont chassé. Bantu basha mufukuza inje. Anashimamia lwa inje. Et commence à solliciter les individus. Ananza kulomba mtu kila mtu palwake ula tamuingiza. Mimi nasema kumlango. Nous, c'est lui qui entend. Pour la tenishiki yako anifunguria. Je vais partager des moments. Dio mitengia kwake mitekala kwake. Mais l'assemblée comme ça. Mais makutano hivi. C'est pourquoi frère. Dio kama nduku. Rassurez-vous. Kwa na kikisho. Uno on n'aura plus de réveil d'ensemble. A tout akuyaka na amu shibote pamoja ça ne sera plus comme ça. Non. Non apana. N'attendez pas voir ça ici. Apana kuchunga one maamsho shibo le réveil amsho c'est des individus. Iko pamuntu moamoya. Pourquoi? Dieu a nini? C'est une, nous sommes mélangés, non? Tout ça kuchangana. Satan a ses agents. Satan et on a bantu yake umu. Mais qui sont baptisés au nom de Jésus. Mais basha kubatiza mu jina Yesu Kristo. Dieu aussi a des. Mungu naye eko na baki. Le blé est ici. Mungano naye ku. Maintenant Dieu visite seulement le blé. Sa Mungu anaenda kutembelea tungano pamoya pamoya. Amen. L'âge le plus pauvre. Kizazi qui a les misérables. Olé. Les gens sont aveugles. C'est-à-dire ils manquent la révélation. C'est pourquoi ils connaissent, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est parce qu'ils sont aveugles. Et qui les a aveuglés? Satan. Il les a aveuglés à quoi? Ah bon, par rapport au vrai christianisme. Il faut attendre à ce christianisme qui a appelé. Il vous a aveuglé. Et tu ne peux plus voir que la chrétienté authentique et n'est pas ce que je suis. Je suis en train de me tromper et tu ne sais pas que tu es en train de te tromper. La chrétienté... Ni maisha Yesu Christ inaonekana ndani ya mtu. C'est la vie de Jésus-Christ se manifeste à partir d'un homme. Bwana mbariki. Alors, tu crois que mes hangi? Nous devons tirer très attention. On est dans Galate. Prenez Galate 5. Galate 5. Écoutez maintenant le verset 6. Moussa Gassita. En grand caractère. Car. Quoi? En Jésus-Christ, ni la circoncision, ni la circoncision n'ont de la valeur, mais seulement la foi véritable. Cette foi-là est accompagnée de l'amour. La foi agissante et qui est agissante par l'amour. La foi véritable a en elle de l'amour. Quand on a su réellement que tu es enfant de Dieu, en toi naîtra de l'amour. Enfant de Dieu, vous vivez le millénium, non? Quand on a une accusation, l'homme accuse la femme, la femme accuse. C'est le royaume de Satan. L'accusateur, c'est Satan. L'esprit qu'il y a dans le frère ou dans la sœur qui accuse l'autre, c'est Satan. Et tu ne le savais pas. C'est pourquoi tu es devenu spécialiste en accusation. Et tu sais te défendre. C'est Satan. Mais tu ne le savais pas. Maintenant que tu le sais. Fais un effort de t'en tirer. Que tu puisses t'en tirer de ça. Ni mambo ya ole. C'est vraiment malheureux. Et on doit faire très attention. Tu n'as pas cherché au Québec. Venir dans l'église, Nikitu Kimou. Devenir enfant de Dieu, Nikitu Kingine Nakyo. Connaître les écritures, beaucoup de choses, là, c'est une bonne chose. Mais devenir enfant de Dieu, même sans avoir beaucoup de connaissances, nous sommes dans l'âge où la connaissance augmentera. Mais la connaissance n'est pas le signe que tu as la foi agissante. Aina alama kusema kuna imani ya kutiona tenda. Imani katika kazi. Tu seras seulement placer les choses. Quand on te met sur la balance. Mais kama kwa kipimo. On regarde au fruit que tu produis. Banangarele matundo kuna tosha. Les gens diront. Bato atasema. Mais à quoi bon toute cette connaissance? Itakusaidia nini ukujua kotoku? Nakuya mwizi. Est devenu voleur. Romains 2. Wa Roma. Romains 2, je vous montre ça. Romains 2. En grand caractère. Verset 17. Toi qui te donnes le nom de Juif. Nous sommes dans la saine doctrine. Toutes ces assemblées ici sont dans l'erreur. Qui te donne le nom des Juifs? Qui te repose sur la loi? Qui te glorifie de Dieu? Qui connaît sa volonté? Qui apprécie la différence des choses? Étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles. La lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Les docteurs des insensés. Les maîtres des ignorants. Parce que tu as dans la loi la règle de la science. Yakufamu et de la vérité. Toi donc, qui enseigne les autres, les 70 mètres de Daniel, les sceaux, les mariages et divorces, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. C'est-à-dire, tout ça, tu ne le vis pas. Tu ne le vis pas. Tu es là un bon prédicateur, mais tu ne vis pas Uko ça. Mubiri wa mzuri, mais lakini maisha ile toi qui prêches de ne pas dérober. Wako na ubiri sa ushi, mushibi. Wenjo na ibaka wa mais c'est toi qui voles. Toi qui dis de ne pas commettre adultère. On a sema utien de bucharati. Frère, bucharati tu ne maisha mwam. L'adultère en tout cas c'est pas une vie. Mais c'est toi qui tombes dans l'adultère. Prédicateur. Mubiri. Diacre. Shema, ancien. Mouzé. Frère. Donc, toi qui as en abomination les idoles. Ouais, on a kufuru masanamu. Comme on a pita dimanche lorsque les tu passes les dimanches, tu vois les catholiques, les catholiques mandala, la ma, avec les rameaux. Les rameaux. C'est ma à chaque poté, frère. Ah, ces gens ici sont perdus. J'ai tout fait que Pâques. Nous, on ne fête pas. Si la Pâques, nous, c'est la Sainte. Toi, tu ne manques pas la Sainte. Mais Abouana, tu ne manques jamais, tu ne rates jamais. Quand tu regardes les catholiques, tu regardes les gens de Nouvelle Lumière, tu as même pitié d'eux. Tout ça, tu fais quoi? Il est haut, ta femme. Toi qui as en abomination les idoles. Toi, on a ma mais tu commets des sacrilèges. Mais là, qui est, on a fait, tu fais des choses. Observez bien. Mangari. Toutes ces écritures sont précédées d'une écriture 16. C'est ce qui paraîtra au jour du jugement, au jour où Dieu jugera. Selon mon, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ni ile itaonekana shiko hukumu kufuatana injili yangu. Mungu atahukumu kufuatana na matendo ya watu. Tu es tellement trop malin, risé, comme ça quand on te regarde sur scène. Mais en catimini là dans le noir. Il m'a secrété, on sait. Mambo moi ukishiki. On dit des choses quand vous apprenez cela. Tu auras même des nausées. Toi qui te fais une gloire de la loi. On fait ça au tukufi ya kiri. Mujumbe ni siye. Le message c'est nous. Mujumbe ni siye. Le message c'est nous. Tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Mukuvunja kwa sheria au mheshimishe Mungu hata kidogo. Oui, c'est nous qui croyons le message. Mais c'est toi-même qui piétines le message. C'est terrible. Nyatari. Car le nom de Dieu Jina Mungu est blasphémé parmi les païens. Katikati wa pagano, manaza kuikufuru. À cause Dieu a nini? D'un frère. Dieu a nous. Dieu a dit à mon fulani. Ah, n'a vous aussi vous êtes dans la vérité. Regardez votre frère. Regardez votre soeur. Même dans ta famille, les gens ne savent pas dire arrêtez. Quel message? Votre frère, nous sommes avec lui. N'est-ce pas votre soeur? C'est lui la femme de notre grand-frère. Vous allez dire qu'ils sont des chrétiens aussi. Il a volé l'argent de notre grand-frère. Il est là, il a commis l'adultère. Même bapagano, bakoyako bapagano. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche pour dire que ce message est la vérité? Toi, tu t'étais. On s'est tu. Le nom de Dieu. On est en train de blasphémer parmi les païens. À cause de vous. Comme cela est écrit. Ça veut dire quoi? La circoncision est utile. Si tu mets en pratique toute la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient circoncision. Le frère baptême, c'est au nom de Jésus. C'est ce qu'on nous a prêché. N'est-ce pas, tu vois la dîme? Tu as adulté. Malgré le baptême, à ta vie, on a baptisé en Mujina Jésus-Christ. Quand même tu es au Kambo Tabernacle. Ça que tu fais là, c'est la parole de Dieu. Versets 28 et 29, on termine. Les Juifs, Wayuda, mon Christ, mon Yuda, un Juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Aïna ou le, et on n'est qu'un Inji. La chrétienne, ce n'est pas pour dire que moi, je n'amplifie pas ma peau, je n'éclaircis pas ma peau, je ne m'habille pas en Europe collant. Il est autre chez les Mouzouri. C'est ça l'apparence. Je connais Kana Kouaïnje. Avançons maintenant. C'est l'apparence, c'est ça. Je connais Kana Kouaïnje. Ce n'est pas celui qui l'est. Oh, les Juifs, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Muyuda, aina ule kunonekana. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Na kutahiriwa aina kule kunonekana mumwili. Frère, nous langu bana shukaka naturel. Moi, on met très bien naturel. Je ne mélange pas avec les filles. Frère, quand vous allez à l'Oumbashi, vous verrez des sœurs. Aina mambo. Ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais les Juifs. Mais ouais, Muyuda. C'est celui qui l'est. Intérieurement. Ni ule eko muyuda kutokea ndani yake. Sasa tushanze bu Kristo mbele mu apparence. Mena nishachomara kwanza ndani. Cela doit commencer par l'intérieur. Faut boire ndani. Cela doit commencer par l'intérieur. Et la circoncision. Na kutahiriwa. C'est celle du cœur. Ni mule mu amuro. Bwana mbariki. Que Seigneur bénisse. C'est celle du cœur. Ni ile ndani ya roho. Selon l'esprit. Fuatana na roho. Et non selon la lettre. Na ina kufuatana na barua. C'est vrai, diacre, quoi, c'est pas les diacres qui vont à jupe, la porte, sœur, sont de coups de jupe, vous devez changer. On a dit ça, ma chère. Ne parle pas de ça, la chrétienté. Moi, on ne fait jamais des remarques par les diacres. Ce n'est pas ça qui prouve que tu es chrétienne. Regarde dès l'intérieur. Que ça doit commencer par l'intérieur. Que les diacres vous faites de remarques ou pas à la porte. Ce n'est pas eux qu'on a qui pima ou pima pour une fois au Christou. Moi j'ai toujours dit qu'on ne verra jamais au bureau des pasteurs. Cela ne prouve pas que tu es chrétien. Et si on te voit au bureau du pasteur, ce n'est pas que cela prouve que tu es païen. Les chrétiens ils peuvent avoir des problèmes et les pasteurs vont trancher leurs problèmes. Que le Seigneur bénisse. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes. Aïtoke Kubantu. La chrétienté, ce n'est pas parce que les gens disent. Lui, il attend les témoignages qui viennent de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Et c'est tellement sérieux. Il faut pas cacher tout ça, mais il faut que nous tous puissions dire. Je ne le savais pas. Maintenant, comme je viens d'entendre, ça Mushikia, prenez des décisions. Mon bébé ne sait pas mipango. Nous levons. Tombe Mungu sisi zote. Prions-nous tous ensemble.